On va parler d'hockey mineur de Dolbeau-Mistassini avec notre ami Danny Lavoie, c'est la chronique du hockey mineur. Salut Danny! Salut Danny, Oui, ça ça va va? bien. Hey Danny, j'ai une question qu'il faut que je te. J'ai eu une idée en fait hier, puis je l'ai parlé avec Daniel Tremblay. Tu sais, les tournois, là, que vous êtes en réflexion, tournoi de centre de formation professionnelle, ce serait pas au mois de novembre, ça devrait se faire. Pourquoi pas le faire comme là? C'est sûr qu'il est trop tard pour cette année, mais au mois d'octobre, début d'octobre, là, les équipes sont. Daniel n'a pas trouvé les débats. Il a dit en début de saison même, jouer 3-4 matchs, les équipes iraient pas ça probablement pour apporter des ajustements. Puis à quelque part, il n'a pas de tournoi au début d'octobre. Fait probablement que ce serait une formule très gagnante, non? Ben, écoute, tout est envisageable. Puis effectivement, la réponse de Daniel est bonne pour ça parce que au niveau du calibre de jeu, c'est le fun aussi. Ça te permet aussi de voir comment tu te situes face aux autres équipes quand tu as des tournois de bonne heure en saison comme ça. Fait que, oui, ça peut être intéressant. Ça peut être une formule gagnante. C'est vrai que c'est trop tard pour cette année, mais tu sais, il faut qu'on regarde aussi avec tous les autres tournois, les autres catégories, puis même la catégorie midget, là, s'il n'y a pas de conflit d'horaire pour les dates, etc. C'est dur de déplacer des tournois parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup dans la région, puis dans la grandeur de la province, c'est assez difficile. Mais par contre, je pense que ça peut être une possibilité, puis on va se pencher là-dessus cette année. Parce que le mois d'octobre, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas, mais c'est sûr que ça laisse pas beaucoup de temps. Il y a peut-être d'autres types d'entraîneurs, d'autres organisations qui vont dire, écoute, nous autres, on aimerait ça s'enligner une couple de matchs de saison régulière pour voir après ça comment est-ce qu'on se situe. Il y en a que c'est comme ça aussi. Il y en a que ça lui prend un peu plus de temps à établir le budget aussi, puis où est-ce qu'ils veulent aller. C'est correct aussi. Des fois, tu sais, faire des réservations rapides en début de saison, c'est pas tous les parents qui les jeunes qui sont capables d'y faire face. Fait que, c'est sûr qu'on va essayer d'envisager ça aussi, puis de regarder nos possibilités. Là, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il n'y a pas eu de nouveau là-dessus. Il n'y a pas de décision de prise. Non. Non, on regarde. Les comités des tournois ils ont commencé à se réunir, puis tout se met en branle. Là, fait que c'est décollé tranquillement pas vite. Fait que normalement, je sais qu'il y a des inscriptions qui sont commencées à rentrer aussi pour certaines catégories. Donc, non, ça OK. va bien. Parce que moi, je vais faire un petit sondage, puisque j'ai trois équipes midget quand je fais des chroniques. Je vais leur poser la question en passant, puis je te reviendrai là-dessus. Hey, t'as un projet pilote que tu as annoncé sur les médias sociaux aujourd'hui. Ouais, on l'a annoncé, c'est un peu non officiel la manière dont on l'a annoncé. On en avait parlé en comité, puis les représentants des catégories touchées devaient en glisser un mot aux parents des jeunes dans lesquels ça allait se passer. Fait que ce qu'on a fait aujourd'hui sur Facebook, dans le fond, c'est un ajustement. Fait que ce qu'on veut faire cette année pour les catégories Atom et Pee-wee, dans le simple lettre, on met en place un projet pilote dont Robin Bouliane va être le superviseur. C'est lui qui va encadrer ce projet-là. On va faire participer à ce comité-là. C'est un comité de sélection, dans le fond, dans lequel Billy Ménard, notre maître instructeur, va s'impliquer, accompagné de deux, trois, peut-être, autres personnes de catégorie midget, des jeunes là, qui ont un intérêt là, pour soit pour le coaching, soit pour l'évaluation, qui ont l'expérience en masse dans leur hockey mineur, qui ont un bon degré de connaissance. Fait que ce qu'on veut faire avec ce comité-là, c'est de permettre de faire une évaluation de nos jeunes de ces catégories-là, à Tommy Pee-wee, simplement, pour les diriger dans le bon calibre, dans le fond. Savoir est-ce que le jeune va être classé A, est-ce que le jeune va être classé B. On a décidé de faire ça cette année pour l'essayer parce qu'on a vu qu'il y a d'autres hockey mineurs qui procèdent de cette façon-là. Ça se fait bien. Ça se fait bien parce que ça soulage des fois les entraîneurs qui sont des parents. C'est au niveau de la sélection. Bon, nous, je vais me ramasser dans mon équipe. Moi, j'aimerais ça cocher le A, mais mon enfant est peut-être pas capable d'aller dans le A. Fait que ça soulage un peu les parents entraîneurs. Puis d'un autre côté, c'est plus transparent aussi comme procédure. Donc, on l'essaye. Fait que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'il y avait peut-être des parents qui avaient peut-être un peu mal compris la procédure. Fait qu'on a juste fait un réajustement de tir là, pour que l'information se Et aussi, ça va la relais, parce qu'on a fait des entrevues avec Robin, puis on en a parlé la semaine passée dans notre chronique, mais la relais avait été importante aussi du côté des... parce que ça a bien été cette année, mais ça n'a jamais été le cas non plus, là. Non, c'est pas tout le temps comme ça. Regarde, au début, c'était difficile. Là, on a réussi à se placer. Là, ce projet-là pourrait nous permettre aussi d'intéresser nos jeunes au coaching puis les garder impliqués dans leur hockey mineur après qu'eux autres aient terminé de jouer. Fait qu'ils ont fait peut-être une pierre deux coups là, pour essayer de garder notre monde. Avez-vous commencé à vous pencher pour une relève à Robin? Parce que Robin m'a dit que, regarde, il aimerait ça m'amener, délaisser ça tranquillement parce que son entreprise lui prend énormément de temps sans délaisser le hockey mineur à 100%. Il a dit, j'aimerais ça peut-être déléguer. Avez-vous commencé? Est-ce que vous vous êtes penché là-dessus? Je sais que Pierre-Luc Ménard et Billy sont très, très actifs, ça implique beaucoup. là-dessus. Est-ce que vous avez trouvé une relève, là, éventuellement, à Robin, où vous êtes là-dessus? On a commencé à en parler. On commence à faire un peu notre recherche de candidats. Donc là, pour l'instant, c'est plus des idées puis des échanges d'idées qu'on fait. On n'a pas encore eu une réunion formelle pour dire, bon, voici là, comment est-ce qu'on va procéder pour trouver un remplaçant à Robin, par exemple, dans le rôle de conseiller technique ou de responsable des entraîneurs, éventuellement, s'il décide de quitter. Mais oui, on commence à y penser. On veut pas être pris au dépourvu quand Robin va annoncer son départ officiellement. Puis là, ben, on veut pas choisir n'importe quel candidat non plus. Ça nous prend quelqu'un qui est capable de nous démontrer son intérêt, qui a au moins un degré d'équivalence de compétences comme celle de Robin, puis qui va avoir du temps à offrir aussi. Fait que oui, ça va se faire au courant de l'année, sûrement que notre recherche va s'avérer fructueuse, on l'espère. Puis ça va être en collaboration avec Robin aussi, parce que lui, il va quand même avoir une transition à faire à ce niveau-là avec la personne qui va y succéder. OK, j'imagine que les deux ménards, Billy et Pierre-Luc, sont hautement considérés. C'est des bons jeunes, fait que moi, je les vois très, oui, très bien, oui, oui, comme relais. Hey, dis-moi, il y a une clinique d'arbitre en fin de semaine? Oui, monsieur, une clinique d'arbitre en fin de semaine, qui est chapeautée par Luc Tremblay. Okay. Oui, absolument. Okay. On a plusieurs nouveaux jeunes, puis on a le retour de plusieurs vétérans aussi. Donc, ça devrait bien s'annoncer pour nos arbitres. Il y a plusieurs jeunes qui veulent s'inscrire encore c'est surprenant pareil, hein? Comment c'est surprenant pareil? Ben, t'arbitrais-tu ou moi, j'arbitrais c'est pas? C'est surprenant. Lui, j'arbitrais pas. Oui, puis non, là. Hein? Oui. Je suis d'accord que c'est pas donné à tout le monde d'arbitrer, là. Mais c'est surprenant, oui et non. Parce qu'on essaie depuis plusieurs années maintenant de faire changer un petit peu le courant là au niveau du respect des arbitres. Ouais. Hein. Fait que ce qu'on voit maintenant, c'est que nos jeunes qui viennent arbitrer, ben c'est des hockeyeurs. Fait que là, ils voient un petit peu comment les rapports se font maintenant entre joueurs, entraîneurs et arbitres. Ça change tranquillement pas vite. Les arbitres ont de plus en plus de respect. Puis on essaie aussi au hockey mineur de véhiculer le message de les laisser arbitrer, puis qui ont droit à l'erreur. Ben oui. Hein? On sait, tout le monde est humain. Fait que bon. Fait que je pense que c'est ça qui fait qu'on réussit à amener des jeunes tranquillement pas vite, puis à les intéresser à ça. Ils restent pas tous arbitres, mais si on est capable d'en garder quelques-uns avec nous autres, puis qu'ils fassent une carrière chez nous intéressante, ben, Caroline. Comment tu t'attends d'inscription pour cette clinique-là? Ben j'attends de voir les chiffres à Luc qui va nous sortir ça en fin de semaine parce que c'est pas encore ils avaient pas tout reçu encore, fait qu'on va savoir à partir de dimanche combien. Y a-t-il des mesures qui ont été prises, parce que je sais qu'à un moment donné qu'on parlait que pour un petit peu enrayer ça, il pourrait même avoir une punition à l'équipe locale si ça criait trop après l'arbitre. Est-ce que ça a été envisagé un petit peu? Est-ce que ça a été fait ou non? Ben, pas de façon formelle comme ça. Ce qu'on fait, principalement, c'est lorsqu'il y a des réunions avec les équipes, c'est qu'on annonce aux parents un peu les couleurs. T'sais. Bon, regardez, là, voici comment ça va fonctionner. Dans les règlements d'Hockey Québec, c'est prévu que s'il y a des débordements de foule, dans le fond, ben c'est l'équipe qui peut être punie pour différents facteurs. Fait que, généralement, là, les parents, ils se conforment à ça sans trop de difficulté, puis ils comprennent aussi. Fait que, je pense que c'est correct. OK. Comment c'est rémunéré? Est-ce que c'est quand même assez bien rémunéré, une partie de... C'est sûr, plus la catégorie est haute, plus c'est rémunéré? Oui, j'ai pas les salaires en avant de moi, mais je sais que c'est intéressant. Donc, effectivement, plus tu montes en catégorie, je pense qu'un arbitre chef, ça peut aller jusqu'à 30 ou 35 $ du match. Fait que c'est, oui, ça commence à faire des montants intéressants. Puis cette année, je pense qu'on essaie de faire une uniformisation au niveau des salaires partout en région pour que tous les arbitres aient au moins... les mêmes revenus lorsqu'il y a des matchs, peu importe. Ben, Danny, on se parle à quelque part la semaine prochaine. Oui. Voilà. Super, Danny. C'est la chronique du hockey mineur de Dolboom. C'est signé avec Danny Lavoie.